qu'Amy préfère attendre. Si ça ne me fait rien et mon cœur suspendre à d'autres sourires, à d'autres matins. Camille n'a pas fini sa tasse de café. Elle est vite partie, elle est vite ainsi, les sourires gênés. Et moi je reste là, si tout près du téléphone, prions pour qu'il sonne. Pour qu'il sonne. Camille préfère attendre. Camille préfère attendre. Jusqu'au bon moment. Camille préfère attendre. La nuit est assez tendre, la nuit est assez belle, évidemment. Camille n'a pas le temps. Camille préfère attendre. Pour une autre histoire. Camille préfère attendre. Peut-être au printemps. Cet hiver, mais pas ce soir. Et moi je reste là, si tout près du téléphone, prions pour qu'il sonne. Pour qu'il sonne. Camille préfère attendre. Camille préfère attendre. Pour y voir plus clair. Camille préfère attendre. Il me faut la comprendre si je ne veux pas la mettre en colère. Et moi je reste là, si tout près du téléphone, priant pour qu'il sonne. Pour qu'il sonne. Camille préfère attendre.